L'ami Drake, ma gueule. El Melo. Norface Records. C'est pour le vrai rap indé. Tous les jours c'est la grisaille, mais je me sens bien dans mon polaire. Ma vie c'est un polaire, pourtant j'ai rien d'un littéraire. Je me sens rejeté de la société, je suis d'un esprit contestataire. Je relativise, je relève la tête, y'a que les cons qui restent à terre. J'ai grandi loin de vos quartiers chics, nourris au paquet de chips pour soigner leur morale. Ils veulent nous mettre au catéchisme. Avec les potes, on flirte avec le mal, croyant que l'amour c'est pathétique. J'ai leur que les sentiments, c'est comme jouer avec un joystick. Génération de merde qui pense qu'à pas le PD1. Tout n'est pas gay en ces temps, si je préfère qu'on me qualifie d'homo sapiens. Même si parfois je veux voir la vie en rose. De genre j'évite la tige, qu'on va succomber d'une cirrhose. Non, je veux voir ma fille grandir. Et je me dois d'être exemplaire. Car pour vous, je suis un artiste, mais à ses yeux, je suis son père. Je sais que c'est pas facile d'avancer sans repère. Je m'y perds, je pilote ma vie sans copilote et sans m'y perdre. On vit chaque jour comme si c'était le dernier. On affronte les épreuves, on a un combat à mener. On profite de nos proches, on essaye de les gâter. Chaque jour la mort approche, tant qu'on vit faut profiter. On vit chaque jour comme si c'était le dernier. On affronte les épreuves, on a un combat à mener. On profite de nos proches, on essaye de les gâter. Chaque jour la mort approche, tant qu'on vit faut profiter. Ok, je pique comme une abeille et vole comme un papillon. Besoin de personne, j'ai grandi seul entre les blocs, les pavillons. Je matais l'horizon tout en me disant où est-ce qu'on part. Cet déménagement, 5 ans l'heure de se poser, ou est-ce trop tard? J'en ai connu des phases trop dark. Mon père qui pleure, ma mère qui part. À 8 ans normal, tu bats de voir tes parents qui se séparent. Zap tous tes repères et tout s'écroule autour de Watt. Là, lui t'as plus sommeil, t'es qu'un enfant qui se ronge les Watt. Non, je suis pas né dans la crasse, mais je suis pas né dans la soie, gros. J'ai toujours fait face, rien ne pourra étancher ma soif. On m'avait dit d'aller m'asseoir, que le pire était passé. Là, c'est les années pas. J'ai vite compris que je suis dépassé. Oui, j'ai les plaies sans les pansements. J'ai de la peine, je fais que penser. Il faut que ma rage je la tempère. Alors je pédale pour m'apaiser. Tu sais, j'ai fait de la merde pour tous les erreurs font que t'apprennes. Encore deux ou trois peines et l'or arrivera juste après. On vit chaque jour comme si c'était le dernier. On affronte les épreuves, on a un combat à mener. On profite de nos proches, on essaye de les gâter. Chaque jour la mort approche, tant qu'on vit faut profiter. On vit chaque jour comme si c'était le dernier. On affronte les épreuves, on a un combat à mener. On profite de nos proches, on essaye de les gâter. Chaque jour la mort approche, tant qu'on vit faut profiter. Yeah.